On va parler de golf, c'est la dernière chronique du club de golf de Saint-Prime. Mais comment on fait? Ben, on le fait toutes les années. Alors, on parle avec Martial Bouchard. Salut Martial. Bonjour. Martial, évidemment, c'est toi qui va faire le bilan. Comment c'était? Ben, écoute, j'ai pas de chiffres très précis. Là. Ouais. On a suivi, par contre, nos états financiers mensuellement. Puis on est très content de l'année qu'on a passée, autant au niveau des revenus qu'au niveau du contrôle des dépenses, qui était assez serré. Donc, des résultats comme on a eu l'année passée, là, c'est sûr qu'on va être très loin de ça. Ah ouais. Donc, c'est positif. Ben, c'est sûr, hein. Puis, écoute, là, mais vous êtes tellement tributaire de la température, Martial. Oui, mais cette année, c'est ça. T'auras beau mettre 2 millions. Année, je pense, il faisait trop chaud. T'auras beau mettre 2 millions de publicité s'il fait pas beau. Ah non, les gens sortent pas. Les gens ont tellement d'offres de services aussi, là, quand ils ont du temps de libre, là. Puis ils veulent le maximiser aussi. Fait que, tu sais, ils s'organisent pour maximiser tout le loisir, le vacances. Ouais. Mais le golf, ben, faut qu'il fasse beau. Ça a-tu donné des nouveaux membres? Au niveau des membres, ça a-tu été pas mal égal ou c'est vraiment les Green Fee qui ont fait en sorte que vous allez avoir une très bonne année? Oui, c'est les Green Fee, là, c'est les parts journalières. Parce que de plus en plus, là, évidemment, notre membership il vieillit un peu, puis le golf change un petit peu. Hein. Les gens, ils veulent être membres, mais ils veulent pas être membres exclusifs. Fait que on a des forfaits qui ont été intéressants cette année, qui ont bien fonctionné. Beaucoup de cadeaux aussi là, que les gens ont fait là, à des anciens membres qui pour leur donner le goût de jouer une dizaine de parties, des forfaits faits des pairs, on a eu tu sais, des nouveautés un petit peu comme ça qui ont bien fonctionné. Ce qui fait que dans l'ensemble aussi, des activités on a fait des activités avec un déploiement un peu moins grand également, donc qui nous a amené presque autant de revenus, mais beaucoup moins de dépenses. Ce qui fait que dans l'ensemble, là, on devrait avoir des résultats financiers intéressants. OK. Donc, c'est puis qui dit Green Fee dit évidemment les bars et ainsi de suite. Puis c'est plus payant aussi, là. Ben, c'est sûr que l'ensemble, un journalier souvent va dépenser là, peut-être une quarantaine de piastres là, quand il vient au club, là, ce que les membres ne peuvent pas se permettre ça de dépenser à tous les jours. Là. Mm. Par contre, ça prend une base solide. Puis là, une base solide, ben, nos membres, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des membres extrêmement généreux dans le temps, donc ça implique dans le bénévolat, on organise un tournoi, on a des gens particulièrement. Les femmes, entre autres, là, ont fait un support extraordinaire au club cette année. Ce qui fait que nos activités ont fonctionné, puis à peu de frais. Mais si on n'a pas de bénévolat, moi, vous dire que des activités, on ne pourrait pas nous organiser. Vous avez changé de concept aussi pour le grand week-end golf. Ça a-tu donné des résultats? De toucher que tu es un comptable, tu vas me parler honnête. Est-ce que ça a été positif? Oui, c'est sûr. Oui, ça a été extrêmement positif. C'est vrai qu'on avait une belle activité, on avait des nouveautés, on avait un tournoi de putting, on avait un tournoi des équipes, mais quand on regardait ça à la fin de la semaine, là, il n'en restait pas beaucoup parce que on investissait beaucoup les dépenses, publicité, cadeaux, organisation, etc. Ce qui fait que cette année, on a fait ça plus sobre, puis ça a donné également des très bons résultats, là, dont l'Omnium Saint-Prime, entre autres. OK. Au niveau des performances des golfeurs, je sais que tu tues moins ça, là, mais est-ce que ça a été positif aussi? Ben, écoute, on se mesure souvent à des clubs là, qui ont 35-40 joueurs qui sont dans le 2A, alors que nous autres, on fonctionne avec 3-4 joueurs qui compétitionnent dans le 2A. Ce qui fait que bien souvent, c'est nos A qui compétitionnent avec le 2A. Donc, c'est un petit peu plus difficile là, quand on parle d'interclubs. Mais on a eu quand même, là, au niveau des finales régionales, des gens qui se sont démarqués, notamment dans le 2B, dans le A. Okay. Donc, ça a été une bonne année. Je pense que le domaine d'excellence doit être fier des gens qui performent sur le plan régional. Puis au niveau de nos juniors aussi, il y a eu des belles surprises. Sarah Maud, entre autres, qui avait deuxième au championnat du Québec. Donc, on voit que ça pousse. Puis, je pense que c'est des gens qui donnent l'exemple puis qui vont inciter les gens à s'investir encore plus dans ce sport-là qui est quand même un sport magnifique pour prendre l'air. OK. Si on parlait maintenant du côté de... Donc, l'année, ça a été positif. L'année, c'est intéressant. Est-ce que si on parlait, qu'est-ce qu'on entend travailler cet automne? Ben, cet automne, un petit peu de manicure sur le terrain. Ouais, là. Nouveauté. Préparation surtout pour la saison 2019. Donc on se met vraiment en hiver là, pour être sûr que le terrain soit le mieux présentable, parce qu'on sait que le début de l'année était très difficile au niveau de la condition de nos verres. On a repris quand même assez rapidement le dessus, mais c'était vraiment pas beau à voir quand ça sortit. Donc là, avec l'agronome, on a travaillé beaucoup sur certains éléments qu'on pourrait peut-être prévenir ce qui nous est arrivé un peu le printemps passé. Mais il reste que on a beau faire tout ce qu'on veut, Dame Nature va tout le temps être la dernière à décider avec son droit de veto. OK, OK. Martial Bouchard, viens-tu cette année, l'an prochain comme président? Le président, tu sais, il est élu à toutes les années, donc il n'y a rien de sûr là-dedans. Mais je suis même pas encore décidé si je vais encore présenter ma candidature. Moi, je suis en élection cette année. Okay. Donc, si je revenais comme administrateur, le président est toujours décidé là, par vote secret au niveau de la première rencontre. OK. Donc, on se reparle bientôt, Marcel. On va souhaiter la meilleure chance au printemps. Puis on espère évidemment que le club de golf de Saint-Prime continue. Ils vont présenter un beau bilan financier. Effectivement. Bonne journée. Martial Bouchard, le président du club de golf de Saint-Prime.